Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en presque direct jusqu'à 23h. Quelques petites nouveautés pour l'émission d'aujourd'hui, hein, la première du mois de mai 2021. Quatre groupes en rafraîchissement de programmation. Nous avons tout d'abord Traumatomy, la formation russo-japonaise. Les Ricains de Dropkick Murphys, et en fait j'ai un gros doute de savoir si c'est la première fois ou pas qu'on en diffuse. Et une doublette de nouveautés françaises, Inhumate et Internos, dans deux styles extrêmes différents. Voilà, retour de l'ami Thibaut avec présentation de Focus dans l'émission. Donc voilà, on y reviendra en temps voulu. Bienvenue à toutes et à tous une nouvelle fois. Et puis bah, ma foi, on va commencer la prog et la présentation avec une nouvelle ouverture signée Cannibal Corpse, les bouchers américains qui sortent leur 15e album studio Violence and Unimaginated. Un très bon nouvel album de Cannibal, une sortie toujours via Metal Blade. On va s'écouter le titre Band and Burned. Vous allez voir, c'est un titre 100% composé par Eric Rutan, pour rappel, hein, qui a intégré la formation officiellement en tant que guitariste. Hein, il n'est plus que producteur, il est également gratteux à part entière dans le groupe. Et c'est tant mieux, c'est une très très bonne chose pour Cannibal. Et en doublette avec eux, on s'écoutera Cold Cell, avec un extrait de leur nouvel album studio The Greater Evil, une sortie sur le label français Les Acteurs de l'Ombre. Cette sortie de Cold Cell est également déjà disponible. On a déjà présenté le groupe les deux semaines passées. On est sur du black metal qui nous vient de Suisse, quatrième effort studio pour la formation Hélène, donc... Helvet, pardon, pas Hélène, n'importe quoi. Cannibal Corpse, Bound and Burned, Cold Cell, Back into the Ocean. C'est parti pour l'ouverture de l'émission. Bienvenue à toutes et à tous. Born into a life of contempt and disorder. Living in squalor, shallow and adolescent, filled with abuse, verbal, mental and physical. Into darkness and feelings of shame. This will never happen again. Unforeseen vengeance will end this today. Violent intentions have surfaced. Now it's too late to reverse it. Unconscious to the ground, be down, never to rise again. All the legs are tied up tight, trapped, no chance of escape. No regaining consciousness, drenched with the stench of gasoline. Contempt and disorder. Let's go. Doublette suivante, deux styles bien opposés, avec tout d'abord Evil, le groupe de trash qui nous sort son nouvel album studio bien des années après le dernier. Hell Unleashed chez Napalm Records avec le titre The Thing. Précision entre parenthèses 1982. Voilà, parce que c'est clairement une référence au film du même nom, sorti justement cette année-là. Pour Evil, et en doublette, on retrouve Bongzilla, la formation Doom Sludge, voilà, qui sort son nouvel album studio. Une version édite pour le titre de ce soir, parce que de base, le morceau fait plus de 10 minutes, on en diffusera une grosse moitié. Voilà, Bongzilla, l'album Wisconsin. Evil, et ensuite Bongzilla, avec le titre Space Rock, c'est parti. We'll be right back. Pour la doublette suivante, je vais tout simplement laisser la parole à l'ami Thibaut, puisqu'il va nous présenter le groupe d'ouverture de la doublette à venir. C'est parti, à toi Thibaut. Bonsoir à tous, premier focus de la soirée et on se penche sur un groupe qui nous vient du Québec, de Montréal plus précisément, Spectral Wound. Alors c'est un groupe qui sort là son troisième album. C'est donc un groupe de metal noir, donc de black metal québécois. Ils ont sorti en 2015 un premier album, Terra Nilius, album déjà de très grande qualité et qui a été suivi en 2018 de l'album Infernal Decadence, qui est également excellent. Alors pour donner un petit peu là déjà mon avis sur ces deux albums, le groupe ne fait que s'améliorer d'un album à l'autre, et rien que déjà ces deux albums valent largement le coup d'être écoutés. Et donc le 16 avril, ils nous ont sorti leur troisième album, A Diabolic Thirst, une sortie d'album qui est également accompagnée d'un changement de label, puisque le groupe signe chez les Canadiens de Profound Lore Records. Concernant l'artwork de l'album, on a vraiment quelque chose qui est alors absolument classique pour du black metal, mais qui fonctionne super bien, avec une photographie en noir et blanc, et un membre du groupe, j'imagine, qui est étalé la tête sur une table avec un verre d'alcool à la main. Ça n'a rien de novateur, mais je trouve qu'elle fonctionne super bien. Maintenant, musicalement, l'album, alors c'est déjà bon, je vais donner mon avis tout de suite, il est excellent, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Par rapport aux albums précédents, comme je disais, ça s'améliore d'album en album, et celui-là, il fera pas exception. Maintenant, on est vraiment dans quelque chose qui est assez typique de la scène black québécoise. Alors, d'un point de vue personnel, c'est une scène que j'adore, hein. Ils ont vraiment des groupes qui sont incroyables. Celui-ci est excellent, Spectral Wound, je l'ai découvert en faisant la chronique, mais vraiment, il va rentrer dans ma discographie et je vais essayer de me procurer les CD rapidement. En tout cas, oui, effectivement, on est sur quelque chose d'assez classique pour le style, quelque chose d'extrêmement froid, avec des ambiances très très puissantes, qui te prend complètement aux tripes, enfin, franchement, ça me retourne à chaque écoute. Et on a vraiment un rendu qui est extrêmement mélodique, alors sans rentrer dans le côté epic black, mais on a vraiment quelque chose avec des riffs qui vont vraiment nous rester en tête. L'album il fait une quarantaine de minutes et clairement c'est tout ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. On rentre dedans très rapidement, on se fait vraiment happer par cette ambiance complètement glaciale du truc. Et clairement, les morceaux s'enchaînent, on arrive au bout en ayant, alors peut-être pas passé un bon moment, parce que ça reste une musique qui est très pesante et très oppressante, mais en ayant vraiment profité de ce travail qui est, encore une fois, je le répète, de grande qualité. Et donc pour conclure, on va s'en écouter un morceau. Pour ce soir, on écoute Soul Destroying Black Debauchery, un morceau que je trouve complètement représentatif, qui est dans la bonne moyenne en termes de durée des autres morceaux, et qui vous donnera donc une bonne idée du contenu de l'album et de ce qu'on peut y trouver. Voilà donc pour illustrer ce très bon focus de Spectral One, on va s'écouter le titre Soul Destroying Black Debauchery, pour accompagner la présentation de leur nouvel effort studio Diabolic Thirst, et dans la foulée, le Evil Trash de Necromanteon, avec un extrait de leur nouvel effort studio Visions of Trismegistos, une sortie 100% norvégienne sur le label Indie Recording, et on s'écoutera le titre Faustian Rites. Yeah! La doublette suivante nous vient d'outre-Atlantique. Ça aurait pu être la facilité hein, que de mettre Dropkick Murphys en ouverture d'émission, à se dire oui, voilà, c'est une locomotive, machin, une des plus grosses sorties actuelles. On les place tout devant, mais comme l'ami Sylvain est très espiègle, il les a mis bien évidemment en doublette avec Intonate, histoire que ça jure terriblement au niveau musical entre les deux formations. Tout d'abord donc Dropkick Murphys, première nouveauté de l'émission d'aujourd'hui, formation de Irish Punk Hardcore qui nous vient de Boston aux États-Unis, qui sort son nouvel effort studio Turn Up That Dial. Ce nouvel effort studio, c'est le 10e album studio, 25 ans de carrière. Il fait suite au très très bon mais simpliste 11 Short Stories of Pain and Glory qui était sorti en 2017. Dropkick, ça fait partie de ces groupes que j'apprécie énormément. Sur scène, c'est toujours la patate. Il n'y a pas de mauvais album pour Dropkick, il y a juste des albums inégaux. Et autant le précédent était... vraiment très très très punk, punk rock, parler de espèces de vieilles légendes irlandaises. Autant ce nouvel effort de Dropkick est très très rock folk, très bon, toujours Irish, hein, rock folk. Il est très posé comme album, il y a toujours des tubes à venir en live, bien évidemment. C'est plaisant à écouter, c'est frais. Comme on dit sur les grosses ondes de radio. Et derrière, on va s'envoyer quelque chose de complètement asphyxiant, lourdingue, bien bien bien pesant à suivre à l'oreille. Intonate, la formation canadienne de prog, death, à moitié tech, à moitié ambiant, un petit peu à la sauce Ulcerate, mais en un peu moins pire quand même. Silvered Within, c'est le nom de leur second effort studio. La formation qui nous vient même plus précisément du Québec et non pas du Canada, pardon. Une sortie sur le label Willowtip Records. Middle Finger, vous allez voir, un titre déjà tubesque pour Dropkick Murphys. Wonder pour Intonate. Ce sera peut-être un peu moins tubesque, mais c'est quand même vachement cool à s'écouter malgré tout. C'est parti. I keep my fist raised up, full time against the world. Sometimes for the family and sometimes for the girl. Yeah, you think I learned my lesson, I'm a man who's been around. But I could never keep that middle finger down. Well, I'm still hanging on, and I think God takes care of fools. I broke a lot of hearts, and I broke a lot of rules. Yet somehow I survive with a bit of dummy luck. But I could never keep that finger from sticking up. I could never keep, I can never keep, I can never keep my life from burning to the ground. You think I learned my lesson, I'm a man who's been around. But I can never keep that middle finger down. I'm a grudge-holding jerk who starts feuds with a wink. A sharp tongue is OB who speaks before he thinks. I've learned from my losses and I know when I'm wrong. Still my life's sadder than an old country song. I can never keep, I can never keep, I can never keep my life from burning to the ground. You think I learned my lesson, I'm a man who's been around. But I can never keep that middle finger down.

puisqu'il rappelle un petit peu la période de The Way of All Flesh. C'est le morceau le plus bourrin de l'album, mais je le trouve vraiment très bon. Et même si il est loin d'être représentatif de l'album, j'avais envie de vous le passer. Voilà donc pour illustrer ce très bon focus une fois de plus sur le thème de Gojira. On va s'écouter le titre Sphinx. Et dans la foulée, une autre excellente sortie dans un style bien différent de la scène française. Sorcerer, l'excellent groupe tout fraîchement monté hein, qui nous vient de région parisienne, qui sort son premier EP intitulé Joy. On va s'écouter le titre Ablaze en duo avec le vocaliste de Year of the Knife. Ça déboîte.